Audrey H., 1963-1997. C'est à toi, Audrey, que je veux m'adresser pour ce dernier chapitre. Mais avant, il faut que je m'adresse à tes parents. J'espère sincèrement et du fond du cœur que vous ne lirez jamais ces lignes. J'ai eu parfois, au cours de ce récit, l'air de vous accuser. Je suis conscient que je n'en ai pas le moindre droit, que je suis tout aussi coupable, que je ne vous connais pas assez pour vous juger, et qu'il est inhumain de chercher à vous infliger une seule peine de plus. Je sais que votre douleur n'a pas de nom. Je sais que la vérité que j'ai essayé d'approcher n'est vraie que pour moi, que vous en avez une autre, mille autres, et que toutes se valent. Je vous admire de continuer à vous battre pour Margot, et ce que vous faites pour elle rachète à mes yeux tout le reste. Dans ma démarche d'écriture, si ambiguë, je n'ai jamais cessé de penser à vous comme à d'autres moi-même. Vos lâchetés, vos colères, vos indifférences, vos erreurs, vos surdités sont les miennes. Je vous ressemble beaucoup plus que je ne ressemblais à Audrey. Elle était seule sur l'autre rive et nous étions tous du même côté, impuissants. Et maintenant il me faut entamer ce dernier, terrible chapitre. Celui de ta mort, Audrey, celui de notre échec. Je t'ai attendu à la clinique, le lendemain de la cérémonie pour ton frère, et peut-être parce que tu m'étais venu, la dernière fois, juste après l'enterrement de Laure. Mais personne ne t'amena à moi. Tu étais cloîtré à la Pommeraye. J'hésitais à appeler parce qu'on ne dérange pas impunément une famille en deuil, mais je finis par le faire. Je tombais sur ton père, qui avait la même voix blanche que lorsqu'il m'avait appelé 34 ans plus tôt pour Jessica. Il me dit que tu étais au plus mal, que tu ne souhaitais pas être hospitalisé et que personne dans la famille ne le souhaitait. Il me dit que je pouvais passer quand je voulais pour te voir, que tu serais sûrement content de me parler. Je n'ai pas insisté. Je suis venu le lendemain, et 2 jours après, et plusieurs autres fois pendant 2 semaines. Je dois t'avouer que dans l'anamorphose de ma mémoire à vif, toutes ces conversations se mélangent et se confondent en une seule. Il y avait toujours les mêmes cris d'enfants dans la maison et les cavalcades lointaines, l'immeuble ciré, la pénombre ménagée par les lourds rideaux à fleurs. J'arrivais avec ma petite voiture. Je la garais à côté de la voiture de Pierre et je grimpais l'escalier du perron comme un habitué du lieu. Je croisais parfois un membre de la famille, ton compagnon, ton père, plus rarement ta mère. Ils paraissaient tous tellement meurtris et vaquaient à leurs occupations d'un air si absent. Il n'y avait que les enfants qui parlaient et criaient et pleuraient et remplissaient le silence de leur babillage incessant. Margot, 7 ans, Sacha, 3 ans et demi, et Camille, 9 mois. 3 enfants vivants qui conjuraient 3 morts. Jessica, 2 ans, Laure, 32 ans, Pierre, 40. La maison était un champ de bataille entre les enfants vivants et les enfants morts, et les haches, comme des divinités muettes, arbitraient l'incompréhensible combat. Je me souviens de ta chambre suffocante. Les volets clos, car la lumière te faisait mal à la tête, et les raies de lumière à barre qui me permettaient de voir, ou plutôt de deviner, ton visage ravagé, déformé par les larmes, dont le regard paraissait absent, comme une lumière éteinte. Parfois, tu ne parlais pas pendant de longues minutes, et je me demandais ce qui se tramait derrière ce front moite, aux cheveux en désordre, dans la négligence effrayante de ton indifférence. Parfois, ta voix s'élevait, si faible, si peu différente du silence, que je devais prêter l'oreille et approcher mon visage presque à la hauteur de ta bouche. Tu disais que la douleur te submergeait, que tu n'aspirais qu'à dormir. Tu disais que les idées noires ne s'arrêtaient plus, que tu n'arrivais pas à en parler à ta famille, que tu avais peur cette fois de ne pas y arriver. Tu disais que c'était l'anniversaire de Sacha et que tu avais fait semblant de sourire, mais qu'en réalité tu n'étais pas là. Moi, je disais des banalités parce que même un psychiatre n'a pas de mots devant cela. Je te disais que le temps apaise toutes choses, qu'il fallait seulement qu'il passe et que ton chagrin diminuerait. Je te disais que la tempête se calmerait, que tu devais protéger la petite flamme de ta vie en attendant que le vent cesse, que tu devais te raccrocher à ta vie future avec tes enfants. Je te disais qu'il ne fallait pas penser, mais juste mettre une journée devant l'autre, encore et encore. Je t'ai demandé, à chaque fois, si tu voulais venir à la clinique. À chaque fois, tu m'as répondu que tu ne le désirais pas. Je te sentais plus fermé, plus inaccessible que les autres fois, mais étonnamment plus calme. Je pensais que c'était bon signe, mais ton calme était celui de quelqu'un qui se sait condamné et qui n'a pas envie de sentiments ou de paroles inutiles. Tu n'avais pas de crise d'angoisse, comme les autres fois. L'angoisse de la mort avait été clandestinement remplacée par un désir de mort. Un désir auquel tu as fait face, toute seule, pendant de longs jours et de longues nuits solitaires. Et puis le désir s'est fait pulsion, il a pris possession de toi, et tu as cessé de lutter. C'était pendant la nuit. J'imagine ton insomnie, ou plutôt la demi-conscience médicamenteuse. Tu n'arrives pas à trouver le sommeil auquel tu aspires, et tout à coup, quelque chose se décroche, se dénoue dans ton âme, la bande lâche, le flot noir, enfin libre, remplit tout. Tu te lèves sans faire de bruit, sans un regard pour celui qui dort à tes côtés. Tu te saisis du porte-bébé ventral qui, pour quelle obscure raison, traîne là. Tu traverses, comme un fantôme, en chemise blanche, la demeure désertée, où les souffles des enfants vivants ne s'entendent plus. Il n'y a plus que les morts, dans la maison, à cette heure, les morts lâchés, déchaînés, qui t'accompagnent, qui t'entourent comme une famille, comme la seule famille à laquelle tu puisses désormais te sentir appartenir. Car la famille des vivants, celle qui dort à l'étage, ne te concerne plus. Tu ouvres la porte d'entrée sans prendre la peine de la refermer, et tu te diriges vers le fond du jardin où tu ramasses une pierre, une de ces lourdes pierres plates où vous aviez coutume de vous asseoir, Pierre, Jessica et toi. Et puis tu trébuches sous le poids, car tes muscles sont atrophiés, ton souffle court, ton corps affaibli. Mais tu parviens à fixer la pierre dans le sac ventral, et tu marches, courbé en avant, croulant sous le poids jusqu'à la piscine, et tu plonges. Sans réflexion, sans cérémonie, sans fioriture, avec la précipitation de quelqu'un qui ne veut pas se rater. Tu n'avais jamais fait de tentative de suicide. Ce matin, Audrey, à ton enterrement, ta mère est devenue mère. Elle était auprès de ton corps lorsqu'ils sont venus pour fermer le couvercle. Il y a eu un instant de confusion, comme si elle ne comprenait pas ce qu'ils venaient faire. Et puis, elle a eu un geste brusque, et l'air égaré, elle a poussé un cri. Un unique cri déchirant que je ne cesse d'entendre. Et puis ses larmes ont traversé ses yeux comme un torrent qui rompt un barrage. Elle a pleuré là, sur ton corps si pitoyable, toutes les larmes qu'elle n'avait pas versées pour Jessica, toutes les larmes qu'elle n'avait pas versées pour Pierre. Elle perdait ses trois enfants à la fois. Ton père, lorsque je me suis avancé pour lui présenter mes condoléances, m'a grippé le bras avec une force désespérée. « Tous les trois, » murmura-t-il. « Agar, ils se sont noyés, tous les trois. » Et moi, Audrey, moi, je suis là, avec mes idées de psychiatre. Je suis obnubilé par la pierre dans le porte-bébé, et cette image me hante. Cette pierre, c'est ton frère qui t'a entraîné au fond de l'eau, à la place de l'enfant que tu ne pouvais pas porter. Je n'aurai probablement jamais l'occasion de le vérifier, mais je suis sûr que des trois pierres plates, celle que tu as choisie, c'est celle de Jessica. Et j'ai l'impression, quand j'y pense, que je ne cesserai jamais de te pleurer. Ainsi s'achève, par le fond, de Pauline Pucciano.